بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب التوحيد للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وما زلنا في شرح حديث عبد الله بن عمرو أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فلا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي من عندك مغفرة إنك أنت الغفور الرحيم. فهذا الحديث قلنا هو من حديث أبي بكر، أن أبا بكر طلب وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، يدعو به في صلاته. وأبو بكر كما قلنا كان أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. وفي هذا الحديث رأينا أن أبا بكر سأل النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا، وهو أنصح الخلق للخلق، ولا سيما بأبي بكر الذي هو أحب الناس إلي، الذي هو أحب الناس إلي، أن يعلمه دعاء يدعو به في أشرف عبادة يتعبد الإنسان بها إلى ربه، وهي الصلاة كما قلنا. الخلاصة من هذا أن هذا الدعاء، قال الشيخ ابن عثيمين، يتبين لك عظامه أنه سؤال من أبي بكر بتوجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أشرف الأعمال وهي الصلاة. إذن فهو دعاء عظيم، فهو دعاء عظيم. Donc on va continuer inshallah sur l'explication du hadith de Abdallah ibn Amr رضي الله تعالى عنه concernant l'histoire lorsque Abu Bakr a interrogé le prophète Ansem, ou plutôt lui a demandé de lui enseigner une invocation qu'il pourrait dire dans sa prière. Alors le prophète Ansem ensuite lui a dit, « Dis, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira, fala yaghfiru dhunub, wala yaghfiru dhunuba, illa ant, faghfir li min indika maghfiratan, innaka anta al-ghafur al-rahim. » Et donc ensuite le prophète Ansem lui a enseigné cette invocation. Donc hier on avait terminé l'allocution, notre cours sur l'explication de cette invocation. Donc on avait commencé à expliquer le hadith, l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam de cette invocation à Abu Bakr. Donc on avait parlé concernant le moment dans la prière, la question du moment, et quel moment on doit dire cette invocation, ou on peut dire cette invocation dans la prière. Pourquoi ? Parce qu'on a dit dans le récit, Abu Bakr n'a pas stipulé cela. Abu Bakr a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a demandé de lui enseigner une invocation qu'il pourrait dire dans sa prière, mais d'une manière générale, dans sa prière. Donc à quel moment, d'une manière plus précise, à quel moment On pourrait dire cette invocation, ou bien il faudrait dire cette invocation dans la prière. Donc ça, on en a parlé hier, et l'auteur du commentaire, Shamla Athaymin, a expliqué ce point-là. A expliqué ce point-là. Et en résumé, hein, il a dit, وَلَعَلَّ هَذَا أَوْلَى أَنْ يَكُونَ بَعْدَ التَّشَهُدِ الْأَخِيرِ بَعْدَ يعني التشهد الأخير عند السلام يعني عند السلام. Donc il dit, ça pourrait se dire, on pourrait dire que on pourrait le dire dans la prosternation lorsqu'on est prosterné dans la prière, comme on pourrait dire qu'on pourrait la formuler après le dernier tashahhud. Vous avez vu la dernière assise avant de saluer lorsqu'on fait tashahhud et les salutations sur le prophète sallam, et juste avant de saluer lorsqu'on va faire les salutations, dire cette invocation. Et dit ceci, cette hypothèse-là, hein, il dit fa'aoula, fa'aoula. Et en d'autres termes, c'est un moment propice pour formuler cette invocation à ce moment-là. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait, on avait dit, hein, lorsqu'on fait tashahhud al-akhir et lorsqu'on fait les salutations sur le prophète, donc on a fait en tout les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a fait les louanges, les éloges, on a salué, on a prié sur le prophète, et on a invoqué la bénédiction d'Allah sur le prophète. Donc à ce moment-là, il est propice, il est bon ensuite d'invoquer. C'est pour ça qu'il serait propice d'invoquer Allah Jalla Wa'ala à ce moment-là, lorsqu'on va faire les salutations. Et c'est pour ça, dans l'explication d'hier, on avait détaillé cette question-là. Ensuite, lorsqu'on avait parlé du sens, donc on avait expliqué ce hadith et donc cette invocation, après qu'on avait fini l'explication de la formule La hawla wa la quwwata illa billah. Donc hier aussi, on avait fini l'explication en détail de la parole La hawla wa la quwwata illa billah. Et donc c'est pertinent du fait que l'auteur, après qu'il ait mentionné le hadith, où il y a allusion à La hawla wa la quwwata illa billah, à cette formule-là, il nous mentionne l'autre hadith de Abdallah ibn Amr qui nous enseigne que Abu Bakr avait demandé au prophète de lui enseigner cette invocation et le prophète lui a enseigné Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira, cette invocation. Donc on est toujours sur l'explication, on va terminer avec l'explication de Shalat Thaymin sur cette invocation qui est très grande, c'est une grande invocation, très grande de sens et d'utilité. Du fait que la personne qui est injuste envers lui-même, donc il doit demander pardon à Allah Jalla wa'ala pour cette injustice. Et on avait fait allusion hier aux trois formes d'injustice, et trois catégories d'injustice que les grands théologiens musulmans mentionnent. L'injustice envers Allah qui est, on avait dit, le polythéisme, le fait de lui donner un associé et un semblable. L'injustice envers les autres, on avait dit, et l'injustice envers soi-même. Donc ici, on a trois formes d'injustice. Donc il y a l'injustice envers soi-même. C'est cette injustice-là qui est mentionnée, qui est évoquée dans ce hadith. On a l'injustice envers les autres. Donc là, c'est le fait d'opprimer ou être injuste envers les autres. Donc ça, c'est l'injustice qui est connue, hein, chez les gens. Et lorsqu'ils entendent le terme injuste, en général, ce qui leur vient directement à l'esprit, c'est l'injustice qu'on fait, que la personne fait à autrui. La justice que la personne il va faire à autrui. C'est ça ce qui vient généralement à l'esprit. Mais il ne faut pas omettre, il ne faut pas négliger ces sens-là, que la plus grande des injustices, c'est celle qui est faite envers Allah, c'est-à-dire lorsqu'on lui donne un associé. Lorsque la personne donne un associé à Allah, ce point-là, il a été injuste. Et il a commis la plus grande des injustices qu'il peut y avoir. C'est la plus grande des injustices. C'est pour ça que lorsque vous regardez dans le Coran, lorsqu'il y a la recommandation de Luqman, la célèbre recommandation de Luqman, pour son fils, lorsqu'il dit Ya Bunayya, la tushrik billah, inna shirka la dhulmun azim. Ô mon enfant, ne donne pas un associé à Allah, car un shirk est un dhulm azim. C'est une immense injustice. Donc on le voit clairement qu'ici, Luqman, lorsqu'il interdit à son fils, lorsqu'il recommande à son fils d'éviter la grande injustice, d'éviter le polythéisme, plutôt, il lui dit ne donne pas d'associé à Allah, subhanahu wa ta'ala. Inna shirka, car le shirk, le polythéisme, traduction relative, c'est un dhulm azim, c'est une immense injustice. C'est pour ça que la plus grande injustice que peut commettre l'individu, c'est celle-ci. C'est celle-ci. Ensuite, il y a une autre forme d'injustice, c'est celle qu'on est en train d'apprendre ici, c'est celle qui est évoquée dans le hadith, c'est l'injustice que la personne se fait à lui-même. Comment être injuste envers soi-même? On l'a appris dans la dernière allocution, dans le dernier cours. On a appris, c'est lorsque, par exemple, la personne y délaisse ses obligations et les prescriptions religieuses. Lorsque la personne, par exemple, y commet des interdits. Donc, vous avez vu, c'est avec les péchés. Donc, la personne, lorsqu'elle commet des péchés, on a dit qu'en réalité, il se fait du mal à lui-même, comme on a dit précédemment. La personne qui fait des fautes et qui commet des péchés, en réalité, qu'il sache que le mal, il le fait à lui-même. C'est contre son propre intérêt. Donc, désobéir à Allah, commettre des fautes, commettre des péchés, commettre les interdits et ne pas mettre de barrière entre soi et les interdits, hein, ne pas mettre une barrière de protection, les obstacles entre soi et les interdits, transgresser les limites, transgresser les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, pénétrer le domaine défendu, hein, cette sorte de domaine défendu, les interdits d'Allah, eh bien la personne a été injuste envers elle-même. Et de ce fait, donc lorsqu'on a compris cela, c'est pour ça que Sheikh Al-Athaymeen a illustré cela, a expliqué cela lorsqu'il pose la question, il dit وَبِمَاذَا يَكُونُ ظُلْمُ الْإِنسَانِ نَفْسَهُ وَبِمَاذَا يَكُونُ ظُلْمُ الْإِنسَانِ نَفْسَهُ. Et comment la personne il pourrait être injuste envers lui-même? Lorsqu'il a posé cette question, mais comment est-ce que la personne pourrait être injuste envers lui-même? Il a répondu en disant, Yakun imma bitarkil wajib wa imma bifalil muharram. Tout simplement. Et ça, apprenez-le. Apprenez-le. Juste en une phrase, il dit, il répond d'une manière très, très simple, imma bitarkil wajib wa imma bifalil muharram. Vous avez vu? D'une manière, c'est vraiment très simple. Il dit, soit en délaissant la prescription ou une obligation, al wajib, ou bien en accomplissant un interdit. En accomplissant un interdit. Donc la personne, lorsqu'il commet quelque chose de haram, il est injuste envers lui-même. La personne, lorsqu'il ne fait pas un wajib, il est injuste envers lui-même. Donc vous avez vu, Sheikh Al-Athaymeen l'explique vraiment d'une manière très très simple. Donc comment la personne peut être injuste envers lui-même? Il y a juste à retenir cette phrase. Et imma bitarki al-wajib wa imma bitarki au bifi'l al-muharram. Après ça, on avait expliqué aussi, lorsque dans l'invocation, ensuite on dit, voilà, yaghfiru dhunuba, et personne ne pardonne les péchés si ce n'est toi. Donc, a fortiori, de ce fait, lorsqu'on sait qu'il y a qu'Allah Jalawala qui a la capacité de pardonner les péchés, qui peut pardonner les péchés, et il est donc celui qui pardonne les péchés, donc c'est à lui qu'on s'adresse. Et donc, c'est à lui qu'on implore l'absolution de nos fautes. Et de ce fait, donc les péchés, c'est toute forme de désobéissance, c'est toute forme de faute. Lorsqu'on a dit précédemment, lorsqu'on commet les interdits. Donc Allah, du fait que c'est lui qui pardonne les péchés, donc on s'adresse à lui. Personne ne pardonne les fautes, les péchés, si ce n'est toi. Mais on a dit ça sous-entend les péchés qui sont entre le serviteur et son Seigneur. Les péchés qui sont entre le serviteur et son Seigneur, que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut pardonner. Donc, vous voyez, on voit que dans cette invocation, il y a quelque chose d'immense, c'est que aussi bien la personne, il reconnaît, il admet ses fautes et ses déficiences et ses manquements, donc il admet qu'il a commis des péchés, il avoue, en quelque sorte, et pour cela, il implore Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, on termine, on conclut cette invocation en disant, Innaka anta al-Ghafur al-Rahim. Et tu es certes, toi, le pardonneur, le clément. Traduction relative. Le pardonneur, le miséricordieux. Traduction relative. Et donc, on voit là, on conclut d'une manière remarquable du fait que là, on conclut cette invocation en faisant encore l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est pas n'importe quel éloge, puisqu'on utilise deux noms parmi les noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, cette invocation qu'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une invocation qui est immense. Du fait, ce qui prouve la grandeur de cette invocation et l'importance de cette invocation, comme on l'avait dit dans l'assise précédente, c'est que le prophète sallam n'enseigne pas à n'importe qui. Celui qui l'a interrogé, ce n'est pas n'importe qui. C'est le meilleur de cette nation, le grand compagnon du prophète sallam, celui dont si le prophète aurait pris un ami intime, il aurait pris Abu Bakr radiallahu ta'ala an comme ami intime. Donc cette invocation, le prophète ne l'a pas enseignée à n'importe qui, il l'enseigne à celui qu'il aimait énormément, Abu Bakr. Secondo, celui qui enseigne cette invocation, ce n'est pas n'importe qui, c'est le messager d'Allah, le plus grand connaisseur. Donc le meilleur des prophètes et des messagers, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez vu, ce n'est pas n'importe qui l'enseigne. Et troisièmement, Abou Bakr avait demandé une invocation qu'il pourrait dire dans la prière. Donc pas dans n'importe quelle adoration, dans la prière. À savoir, comme ça n'échappe à personne, la prière fait partie des plus grandes adorations qui a été légiférée. Pour ça, c'est le deuxième pilier de l'islam après l'attestation de foi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et c'est ça ce qu'on avait dit la fois dernière, ce qui dénote vraiment ça. Dénote vraiment l'importance et la grandeur de cette invocation. Ensuite, Charles Taïmin, pour continuer, il va nous expliquer maintenant la convenance, si vous voulez, le lien, il va nous expliquer le lien qu'il y a entre ce hadith, cette invocation, et le chapitre. Comme vous savez, il faut garder à l'esprit que donc on est en train d'étudier un chapitre qu'a rédigé l'imam al-Bukhari, et ce chapitre, en guise d'intitulé à ce chapitre, l'imam al-Bukhari avait mentionné le verset «Wa kana Allahu sami'an basira». Et certes, Allah est l'audient et le clairvoyant. Il est audient et le clairvoyant. Donc dans ce chapitre, on apprend deux noms parmi les noms d'Allah, As-Sami' wa al-Basir. As-Sami' wa al-Basir. Et donc là maintenant, ça serait de savoir, Inch'Allah Taïmin, il va essayer de d'expliquer le lien qu'il y a entre ce hadith d'Abi Bakr, et on va dire l'intitulé de ce chapitre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on étudie dans ce chapitre? Deux noms parmi les noms d'Allah, parmi les noms sublimes, As-Sami' ou Al-Basir. Donc quel est le lien? Pour cela, il va évoquer l'explication de l'Hafidh Ibn Hajar, rahimahullah, qui est cité et prise, hein, qui est un passage de son livre Fath al-Bari, le commentaire de Al-Bukhari. Et donc il va mentionner, donc il va faire une citation, un passage où Al-Hafidh Ibn Hajar, il va parler du lien qu'il y a entre ce hadith et le chapitre en lui-même, et le sujet, le thème du chapitre en lui-même. Lorsqu'il dit wa qad taqaddama fi awakhir sifati as-salati wa ad-da'awat wa fi ad-da'awati ma'a sharhihi wa bayani man ja'alahu min riwayati Abdullah ibn Amr عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه فجعله من مسند أبي بكر وأشار ابن بطال إلى أن مناسبته للترجمة أن دعاء أبي بكر لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي أن الله السميع لدعائه ومجازيه عليه وقال غيره حديث أبي بكر ليس مطابقا للترجمة إذ ليس فيه ذكر صفتي السمع والبصر لكنه ذكر لوازمه أو لازمهما من جهة أن فائدة الدعاء إجابة الداعي لمطلوبه فلولا أن السمع سبحانه وتعالى يتعلق بالسر كما يتعلق بالجهر لما حصلت فائدة الدعاء أو كان يقيده بمن يجهر بدعائه انتهى من كلامه ابن المنير ملخصا وقال الكرماني donc ça c'est en quelque sorte, Cheikh Mohamed a fait la citation, comme on l'a dit, de l'érudit al-Hafidh Ibn Hajar, qui parle ici du lien qu'il y a. Du lien qu'il y a entre ce hadith, cette invocation, et le chapitre. Et comme on parle de l'audience, le fait qu'Allah Jalla est celui qui entend les invocations de ses serviteurs, il est celui qui entend les supplications de ses serviteurs, on voit bien que parmi donc les. La convenance ou les liens qu'il y a entre ce récit, cette invocation et le chapitre, c'est que Allah Jalla wa'ala est celui donc qui répond et qui entend donc les invocations, qui entend les invocations. Et donc, Al-Hafidh Ibn Hajar, il va dire que lorsque le prophète sallam enseigne cette invocation à Abu Bakr, ça implique que donc Allah Jalla wa'ala est celui qui entend les invocations et celui qui rétribue. Donc là, vous avez vu, le lien, il est clair et évident entre le hadith, l'invocation du prophète, et le thème de ce chapitre. Du fait que lorsqu'on invoque Allah, par exemple, la personne qui veut demander le pardon pour ses fautes, il peut le faire de cette excellente manière, le fait Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira, de le faire de cette manière, comme le prophète l'a enseigné à Abou Bakr. Alors ça implique et ça nécessite quoi? De savoir qu'Allah est celui qui entend les invocations. Et donc c'est lui qui répond aux invocations et qui rétribue Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous avez vu, le lien, il est clair et évident. Sauf que là, Ibn Hajar va faire allusion au fait que certains n'ont pas vu le lien. C'est pour cela qu'Ibn Hajar insiste sur cela, parce qu'il dit, certains n'ont pas vu le lien qu'il y avait entre ce hadith et le thème dans le chapitre. Du fait qu'il n'y a pas la mention claire du nom d'Allah Jalla As-Sama, As-Samir ou Al-Basir. Et donc il n'y a pas allusion à l'attribut de As-Sama ou Al-Basir dans le hadith. Donc du fait que ce n'est pas cité d'une manière claire, certains n'ont pas vu le lien qu'il y avait entre ce hadith et le chapitre. Mais en réalité, il y a un lien qui est clair et évident. C'est le fait que celui qui entend les invocations, qui répond aux invocations, celui qui entend, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, le fait qu'il répond aux invocations, et lorsqu'on lui demande le pardon, le fait qu'il pardonne, ça implique qu'Allah est celui qui entend, ou As-Samir, et il est celui qui est Al-Basir, le clairvoyant aussi. Et donc, de ce fait, donc là, en résumé, hein, je vous ai résumé l'explication de l'Hafidh Ibn Hajar, qui a mentionné cette citation qu'a fait Cheikh Ibn Uthaymeen. Ensuite, il va faire la citation de Al-Kirmani. Al-Kirmani, c'est un savant du 8e siècle. Al-Kirmani, c'était un savant connu en son temps. C'était un savant du 8e siècle. Il est né en 717 de l'Hégire. 717 de l'Hégire. Il s'appelait Mohammed ibn Yusuf ibn Ali ibn Saïd. Il était connu sous le nom de Shamsuddin Al-Kirmani. Shamsuddin Al-Kirmani. Il est célèbre et aussi il a un commentaire. Il a fait l'explication lui aussi de l'authentique de l'imam Al-Bukhari. Donc Al-Kirmani, qui était connu sous le nom de Shamsuddin Al-Kirmani, est un auteur aussi parmi les auteurs qui ont rédigé dans l'explication, dans le domaine de l'explication de l'authentique de l'imam Al-Bukhari. Et le grand savant Shamsuddin Al-Kirmani, il était connu à Bagdad. Il était connu à Bagdad à l'époque, en son temps, hein, au 8e siècle, du fait qu'il est rapporté qu'il a enseigné pendant 30 ans. Pendant 30 ans, il dispensait des cours, il enseignait la science religieuse pendant 30 ans. À savoir que c'était un savant spécialiste dans le domaine du hadith. Donc c'était un alim bi al-hadith. Et aussi, il est mentionné dans sa biographie qu'il a passé un certain temps de sa vie à la Mecque. Faqama muddatan bi Mekka. Il est resté une certaine période à la Mecque. À la Mecque. Et de ce fait, il est dit qu'il a rédigé. Il a rédigé ensuite ce livre, Al-Kawakib, son livre Al-Kawakib, qui est le commentaire de Sahih Al-Bukhari. De Sahih Al-Bukhari. Ensuite, il y a des appréciations, il y a des commentaires, des annotations sur les appréciations de certains savants. Hein, certains savants qui ont analysé ce commentaire, ensuite qui donnent leur avis. Qui donnent leur avis sur ce commentaire. Et donc pour ceux qui veulent les avis, vous pouvez référer à certains savants par rapport à leur avis qu'ils ont donné aux commentaires. El-Muhim, ensuite, il est décédé en 800, ou plutôt 786 de l'Hégire. En 786 de l'Hégire, donc à la fin, on va dire, hein, du 8e siècle. Et lui, Al-Kirmani, dans son commentaire, il dit, « Lamma kana ba'd al-dhunub » مما يسمع وبعضها مما يبصر لم تقل مغفرته إلا بعد الإسماع والإبصار. C'est très pertinent qu'est-ce qu'il dit, Al-Kirmani, donc dans son commentaire, il dit, lorsque on a su, regardez, hein, regardez ce qu'il va dire, lorsqu'on a su que les péchés, il y a des péchés qui sont des péchés en quelque sorte qui s'entendent. Lorsque c'est des péchés liés à ce qu'on dit, liés aux paroles, donc vous avez vu, c'est des péchés de la langue, les péchés de la langue. Donc c'est des péchés qui s'entendent, qu'on entend. C'est pour ça qu'il dit même mayusma. Et par contre, il y a d'autres péchés parmi des péchés qui sont visibles. Donc il y a des péchés qu'on pourrait dire auditifs, liés à l'auditif, et des péchés qui sont liés au visible, des péchés qui sont visibles, c'est-à-dire qui se font. Alors, pour cela, il dit, concernant les péchés liés à l'auditif, des péchés qui s'entendent, et des péchés qui sont faits, liés au visible, qui sont visibles, ce sont des actions, alors pour le pardon de ces péchés, alors il faut ce qu'on appelle el-ismar ou el-ibsar, il faut l'audience, il faut la clairvoyance. Regardez, c'est très pertinent. Il dit, il faut l'audience, donc il faut la clairvoyance. Donc, en quelque sorte, on déduit que celui donc qui peut pardonner ses péchés, aussi bien les péchés de la langue, des péchés des paroles dites, qui sont des péchés, qui sont des fautes, ou bien d'actions visibles, alors il faut que ce pardonneur de ses péchés soit aussi bien audient et clairvoyant. Aussi bien audient et clairvoyant. Et de ce fait, on comprend, regardez le lien, vraiment c'est vraiment pertinent, hein. C'est très judicieux que l'imam al-Bukhari ait mentionné ce hadith. À ce moment-là, on comprend que celui qui pardonne les péchés, qui répond aux demandes, alors ce Seigneur-là, il est audient et il est clairvoyant. Et là, vous voyez hein, comment les savants étaient soucieux, de comprendre le lien qu'il y avait entre aussi bien les chapitres et les textes, hein, les hadiths que va mentionner l'imam al-Bukhari dans ces chapitres. Donc vous avez vu, l'imam al-Bukhari mentionne des chapitres et ensuite il va introduire des hadiths qu'il a recueillis, qu'il a compilés, qu'il a... Vous avez vu, hein, c'est des hadiths qu'il a, dont il a voyagé pour les avoir, ces hadiths-là. Donc pour les compiler et les recueillir, ces hadiths, c'était un grand travail. Vous allez voir qu'ensuite, il est répertorié en quelque sorte dans des chapitres. Il est avec des chapitres qui sont bien classifiés, hein, donc il y a une classification des chapitres. Et dans ces chapitres, il va introduire ici des récits, des hadiths qu'il a recueillis. Et donc, c'est pas en vain la manière de faire de l'imam Bukhari, comme on a maintes fois dit, qu'il va introduire certains hadiths, certains récits, dans des chapitres, lorsqu'il traite d'un thème ou d'un sujet bien précis. Sauf que, ce qu'il faut savoir, comme on l'avait déjà mentionné, c'est que l'imam al-Bukhari était doté d'une intelligence. Allah Jalla wa'ala lui avait octroyé une intelligence qui peut même dépasser notre considération. D'une intelligence qui était hors pair. C'est pour cela que beaucoup de gens n'ont pas compris souvent, et souvent même, ouvrez l'authentique de l'imam al-Bukhari, vous allez voir, lisez, parfois vous n'allez pas comprendre le lien qu'il y a entre des hadiths qu'il a mentionnés par rapport au chapitre. Donc il a introduit des hadiths qu'il a recueillis, les a mis dans des chapitres. Et parfois on ne va pas comprendre le lien. Le lien parfois il n'est pas forcément apparent. On peut dire avec ce terme-là, il ne saute pas forcément aux yeux, le lien. Il ne saute pas aux yeux et à l'œil. Et de ce fait, beaucoup de gens, parfois, ils ignorent le lien, ils ne comprennent pas. Ils ne voient pas la convenance et le lien qu'il y a entre les récits. Et les savants qui ont vraiment observé minutieusement les chapitres avec les hadiths, certains savants, vraiment, à force d'avoir observé et lu l'œuvre hein, de l'imam al-Bukhari, ensuite, ils se sont familiarisés aussi bien avec l'œuvre qu'avec l'auteur de l'œuvre. Regardez, certains savants, ils l'ont tellement étudié l'authentique de l'imam al-Bukhari qu'ils se sont aussi bien familiarisés avec l'auteur, l'imam al-Bukhari, comme ils se sont familiarisés avec l'œuvre, avec le livre, l'authentique en lui-même. De ce fait, comme al-Hafidh ibn Hajar et d'autres. Et de ce fait, parfois, ils vont expliquer des choses vraiment, qui sont vraiment très très étonnantes. Et il fallait vraiment pousser l'observation, hein, la réflexion et la méditation pour vraiment sortir et tirer des enseignements de tels enseignements. C'est pour ça qu'il est important de revenir aux commentaires. En résumé, concernant la question du lien, Sheikh Al-Uthaymeen à la fin va résumer en disant que pour lui, hein, ce qui apparaît plus, parce qu'il évoque l'hypothèse que donne Al-Hafidh ibn Hajar avec l'explication d'Al-Hafidh dans son Fath Al-Bari. Ensuite, il va mentionner ce que dit Al-Kirmani, le savant qu'on a dit hein, du 8e siècle. Hein. On a mentionné sa biographie très précédemment. Al-Kirmani. Ensuite, lui, en résumé, en conclusion, Sheikh Al-Uthaymeen va dire Alladhi yadhhar, ce qui apparaît pour lui, walakin alladhi yadhhar, ce qui apparaît plus pour lui, wallahu a'lam, et dit Allah est le plus savant, أن البخاري رحمه الله جعله في هذا الباب وفي هذه الترجمة وكان الله سميعا بصيرا لأنه تضمن المغفرة والرحمة ولكن حتى ولو قلنا بهذا لا أستطيع أن أقول إن هناك مناسبة بينة وأما كونه من لازم إجابة الدعاء أن يكون قد سمع وأبصر فهذا ما يكفي فاللهُ أعلم. Donc en résumé, Sheikh Al-Uthaymeen, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit que pour lui, selon lui, wallahu a'lam, l'imam al-Bukhari a mis ce récit dans ce chapitre-là, dans le chapitre concernant le verset « Wa kana Allahu sami'an basira » et certes Allah est l'audient, le clairvoyant, traduction relative hein, du sens de ces deux noms. Pourquoi? Parce que cela sous-entend le pardon et la miséricorde. Cela sous-entend le pardon et la miséricorde. Lakin hatta law qulna bihadha la astati' an aqul inna hunaka munasabatan bayyinah. Mais il dit, même si on dit cela, il dit, moi je ne peux pas dire d'une manière claire, hein. Charlatamine, il dit, je ne peux pas, je suis dans la capacité, il dit, de dire d'une manière claire que le lien, c'est ça, et que le lien est vraiment clair et explicite, que le lien est évident. Il dit, ça, je ne peux pas l'affirmer. Je ne peux pas, il dit, l'affirmer. Par contre, il dit, wa amma kaunu min lazim ijabati du'a. Par contre, le fait que pour répondre, exaucer les demandes et les invocations, il faut être audient et clairvoyant, il dit cela suffit comme lien entre ce hadith et le chapitre. Et il dit, et Allah est plus savant. Il dit ça suffit. De savoir que il y a une invocation, et dans ce hadith, il y a l'enseignement d'une invocation. Et donc, pour répondre aux invocations, il faut être aussi bien audient et clairvoyant. Il dit cela suffit comme lien qu'il y a entre ce hadith et le chapitre. Pourquoi Cheikh Ibn Al-Uthaymeen peut-être dit cela de cette manière? Pourquoi? Parce que peut-être que l'imam al-Bukhari aussi, comme on l'a dit précédemment, l'imam Bukhari était une personne qui était vraiment dotée d'une intelligence hors pair. Peut-être que l'imam al-Bukhari aussi a d'autres raisons. Peut-être que lui, l'auteur du livre, il y a d'autres raisons qui sont propres à lui pour laquelle il a mentionné ce hadith dans ce chapitre-ci. Et eux, les savants, ne disent pas qu'ils connaissent, par exemple, toutes les raisons. Mais ce qui est apparent, ce qui est d'une manière apparente, ce qui est clair, c'est ce que viennent de mentionner les savants par rapport à ça. Voilà en ce qui concerne la question du lien et de la convenance, si on peut dire de la sorte. Après, c'est vrai que ça peut, pour beaucoup, ça peut sembler insignifiant, une question insignifiante, mais c'est très important. Lorsqu'on étudie un livre, c'est très important de connaître la manière de faire de l'auteur, sa manière de rédiger, et de savoir lorsque, par exemple, il y a des textes, pour bien comprendre ces textes-là, pour bien comprendre, par exemple, les versets, ou bien comprendre les hadiths du prophète, et bien comprendre pourquoi l'auteur le mentionne. Et ça, c'est important. Et de ce fait, on peut mieux comprendre les textes. Et ça, c'est pour cela que ça, c'était important, et c'est très important pour les savants. Et c'est pour cela qu'ils font allusion souvent à cette question-là. Ensuite, pour terminer maintenant l'explication de cet immense hadith, de cette immense invocation qu'a enseigné le prophète, sallam. Donc, pour terminer, vous allez voir, là, c'est très pertinent. On va résumer maintenant. L'auteur du commentaire va résumer. Il va dire, comme on l'avait déjà stipulé, cette invocation, elle est immense. Pourquoi? Elle est immense. Pourquoi? Parce qu'elle va rassembler ce que rassemblent généralement les invocations. Et ça, on l'avait expliqué déjà, mais là, regardez, on va mieux le comprendre, on va mieux le détailler. Cette invocation, elle rassemble ce que les autres invocations généralement rassemblent. Pourquoi? Parce que tout simplement, et ça, faut bien le comprendre, Ad-Du'a, parfois, elle va évoquer, c'est-à-dire dans une invocation, parfois, cette invocation-là, elle va mentionner la situation de celui qui invoque. Donc parfois dans une invocation, qu'est-ce qu'on a dans l'invocation? On a la situation de celui qui invoque. Par exemple, la personne, elle est dans la détresse, la personne fait part de sa détresse. La personne, elle est dans l'adversité, la personne fait part de son adversité. La personne, il est malade, la personne fait part de sa maladie dans son invocation. Par exemple, il dit, Allahumma, par exemple, il dit, Inni marit, certes, je suis malade, fashfini. Il demande à Allah, par exemple, de le guérir. Donc on voit que la personne, par exemple, il fait part de sa maladie. Donc là, lorsqu'on dit cela, vous avez bien compris, on fait part de la situation. Donc la personne, il fait part de la situation. Donc cette invocation, elle va renfermer l'état de celui qui invoque. De celui qui invoque. Et à titre d'exemple, comme l'auteur du commentaire avait fait allusion à un exemple dans le Coran, un passage, lorsqu'Allah Jalla Wa'ala parle de Moussa alayhi salam. Donc lorsqu'il y a la mention de Moussa alayhi salam et son histoire lorsqu'il est arrivé à Médiane. Il est arrivé à Médiane, cette célèbre histoire. Donc lorsqu'il est arrivé, il a vu des gens qui abreuvaient leurs troupeaux. Donc il y avait un coin d'eau et les gens abreuvaient leurs troupeaux. Et il y avait deux femmes qui attendaient. qui s'était mis un peu à l'écart et qui attendait. Et il fallait que elles attendent que tous ces gens qui étaient autour du coin d'eau abreuvent leur troupeau pour qu'ensuite, à la fin, elles puissent abreuver leur troupeau et prendre de cette eau. Donc Moussa, lorsqu'il a vu cela, il leur a demandé, ensuite il a pris et il l'a fait. Il l'a fait. Ensuite, il est dit dans le verset, ensuite Moussa, il a recherché un abri de l'ombre. Et lorsqu'il s'est abrité, c'est là qu'il a invoqué Allah. Il a invoqué Allah en lui faisant part de son appauvrissement face à ses grâces, face à ses graves, dans une traduction relative du sens du récit. Donc là, Moussa, il fait part dans cette invocation lorsqu'il invoque Allah en disant Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Lorsqu'il dit ça, Moussa, il a mentionné, évoqué sa situation et son état. Son état. Il a fait part de son appauvrissement par rapport aux grâces d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et vous avez vu, donc, dans cette invocation, on voit qu'il y a l'état, la situation de celui qui invoque. Donc, c'est pour ça que Shir dit bien, Taraten, donc parfois, l'invocation, elle va dénoter la situation et l'état de celui qui invoque. Parfois, d'autres invocations, regardez maintenant, deuxième catégorie, parfois, Yakun bid-du'a al-mubashir. بأن يقول الإنسان رب اغفر لي وارحمني مثلا كما في الجلسة بين سجدتين كما في الجلسة بين سجدتين. Parfois dans une invocation, sa deuxième catégorie, parfois, dont fait allusion à Shalat Taymin, la personne il va demander directement. Il va demander directement. Par exemple, vous invoquez, vous dites, Ô Seigneur, pardonne-moi, directement. Ô Seigneur, irhamni, irhamni, fais-moi miséricorde. Donc, vous demandez directement le pardon et vous demandez directement la miséricorde d'Allah sans forcément évoquer votre situation, évoquer votre hal et votre état. La personne, il demande directement. Il dit au Seigneur, pardonne-moi. Au Seigneur, fais-moi miséricorde. Et ça, il dit, par exemple, on retrouve cette manière de faire dans la position assise dans la prière entre deux prosternations. Donc, dans la position assise, dans la prière, lorsqu'on est assis, vous avez vu, entre deux prosternations, qu'est-ce qu'on dit? On demande à Allah, on dit, Rabbi ighfirli, par exemple. Warhamni, wa'afini, warazokni, par exemple. Donc, on demande à Allah qu'il nous pardonne. On demande directement. Là, on dit, dua al-mubashir, sans faire précéder cela, d'éloge ou autre. Là, ou sans faire précéder cela de l'évocation de notre situation. On demande directement qu'Allah nous pardonne. À titre d'exemple, dans cette assise, dans la prière, par exemple, entre deux prosternations. Wa taratan, troisième catégorie, taratan yakun bithana ala Allahi al-mujarrad. Troisième catégorie, parfois l'invocation, elle se fait comment? En faisant l'éloge d'Allah seulement. On fait l'éloge d'Allah. Comme le prophète sallam disait, par exemple dans un hadith, le prophète sallam disait, Khayru du'a, du'a yawmi Arafa, wa khayru ma qultu ana wa nabiyyun min qabli la ilaha illallah, ila akhirihi. Ila akhirihi. Cheikh a mentionné le hadith où le prophète sallam a dit, la meilleure des invocations, c'est l'invocation du jour de Arafa. Et la meilleure chose que j'ai dite, moi, et les prophètes avant moi, la meilleure chose qu'on ait dit, moi, et les prophètes avant moi, la ilaha illallah. Donc là, Cheikh Ibn Athaymine fait allusion à ce célèbre hadith, hein, ce célèbre hadith où le prophète Hassan dit que la meilleure invocation, c'est l'invocation faite le jour de Arafah. C'est l'invocation faite le jour de Arafah. Donc vous avez vu le jour de Arafah, le jour du pèlerinage, hein, le jour du pèlerinage. Arafat, c'est le neuvième jour du pèlerinage. Et dans un hadith, le prophète sallam il dit El Hajju Arafat. Le Hajj, c'est Arafat. C'est pour ça le stationnement à Arafat, le fait de rester à Arafat, ça fait partie des piliers du Hajj. Des piliers du Hajj. Ce qui veut dire que celui qui accomplit le pèlerinage, qui s'en va, qui voyage pour accomplir le pèlerinage, s'il n'a pas assisté au jour de Arafat, il n'a pas stationné à Arafat ce jour-là, alors son pèlerinage n'est pas valable. Et son pèlerinage n'est pas accepté. Pourquoi? Parce que la station de Arafat, c'est un pilier du pèlerinage. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, il dit Al-Hajj Arafat. Et le pèlerinage, c'est Arafat. Et là, le prophète dans le hadith, il nous dit la meilleure des invocations, c'est l'invocation faite le jour de Arafat. La meilleure des invocations, c'est l'invocation faite le jour de Arafat. Et la meilleure chose que j'ai dit, moi, et qu'ont dit les prophètes avant moi, La ilaha illallah. Vous avez pu voir dans le commentaire que Cheikh Al-Athaymine a juste fait allusion à la parole La ilaha illallah, il s'est arrêté là. Sinon, il fait allusion à la meilleure parole que j'ai dite et les prophètes avant moi, La ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. C'est cette parole. Cheikh Al-Athaymine ici, a dit la première partie, la shahada, La ilaha illallah. Sinon, on a le récit qui stipule. خير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له أو بيان لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Donc là, l'auteur du commentaire fait allusion à cette parole. Vous avez vu là? Pourquoi? Parce que parfois, on invoque Allah et on fait juste de l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, c'est la catégorie d'invocation, qui renferme que de l'éloge d'Allah seulement. Il n'y a que de l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, à titre d'exemple, si vous voulez un exemple, la Cheikh nous a, Cheikh Al-Athaymine, rahimahullah, nous a donné un exemple. Par exemple, vous avez l'exemple, lorsque vous dites La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir, par exemple. Ça, c'est considéré comme une invocation. Et là, on fait l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez vu, le prophète sallam a dit, c'est la meilleure chose qu'on ait dit. Moi et les messagers, les prophètes avant moi. Et ensuite, Shir va dire, et regardez, donc si vous avez compris ces trois choses qu'on a citées ici, que parfois on invoque Allah et l'invocation, elle va comprendre, renfermer seulement l'évocation de la situation, de l'état de celui qui invoque. Ou parfois, on va demander directement. Deuxième cas où on invoque et on demande directement notre requête. Au Seigneur, pardonne-moi. Au Seigneur, fais-moi miséricorde. Au troisième forme ici, cette invocation, elle comprend que les éloges d'Allah. Subhanallah, comme on l'a dit précédemment, avec la ilaha illallah. Mais donc, parfois, les invocations, il dit, elle peut réunir entre deux. Par exemple, aussi bien il y a l'invocation, dans cette invocation, il y a l'évocation de la situation de celui qui demande. Et aussi bien, on lui fait une demande. Aussi bien, on lui fait une demande. Par exemple, la personne mentionne sa situation, la difficulté dans laquelle il est, soit la maladie, l'adversité, un malheur, ou bien une détresse, ou bien une déprime, ou bien une angoisse, ou bien un désarroi, ou autre. Et donc, ensuite, il va demander à Allah, Jalla wa'ala, quelque chose. Donc, il va réunir entre ces deux. Ou parfois, il réunit entre les trois, comme on a dit. Parfois, il réunit, il y a l'union des trois. L'union des trois. Eh bien, pourquoi Cheikh mentionne cela? Pourquoi? Parce qu'on voit, que dans ce hadith de Abu Bakr, l'invocation que le prophète sallam lui a enseignée lorsqu'on dit Allahumma, inni zalamtu nafsi zulman kabira, ou zulman kathira, faghfirli, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ans. Par exemple, maghfiratan min indik aussi, il a akhiri jusqu'à la fin de l'invocation. Regardez, dans cette invocation unit les trois manières, les trois choses. Aussi bien on fait l'éloge d'Allah, aussi bien on fait part de notre situation, et aussi bien on demande à Allah Jalla wa'ala quelque chose. Vous avez vu? Et c'est ça qui donne de l'importance. C'est ça qui vraiment donne, on se rend compte de la grandeur de cette invocation, puisqu'elle là, elle réunit. Et on avait dit, la meilleure manière, le comportement, lorsqu'on invoque Allah, Jalla wa'ala, c'est de lui faire les éloges, de faire les salutations sur le prophète, ensuite de faire part de notre demande. Al-Maqsoud min al-Hadith fi hadha al-bab. Al-Muhim, pour conclure, Cheikh, il va dire, ce qui est voulu de ce hadith dans ce chapitre, أن المدعو لابد أن يكون سميعا يسمع دعوة الداعي إذا دعاه بصيرا بحاله يوصل إليه ما طلب بقدرته وإلا تكون دعوته ضلالا وسدى وفي الدعاء واستجابة الله تعالى لعبده الداعي برهان أنه سميع بصير قادر حي عليم وقد قال الله تبارك وتعالى في من يدعو من لا يسمع ولا يبصر ومن أضل ممن ومن أضل ممن يدعو من دون الله ما لا يستجيب له إلى يوم القيامة الآية وقال إبراهيم في دعوتي لأبي يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع. Et donc, en conclusion, Chéri dit, dans tous les cas, ce qui est voulu de ce récit, dans ce chapitre, c'est que celui qui est invoqué, celui à qui on demande, il est audient et il est clairvoyant. C'est clair. qu'il est odiant. Allah subhanahu wa ta'ala, celui dont on invoque, notre Seigneur, notre Créateur, notre adoré, c'est l'odiant. Et donc, yesma, il entend les invocations, comme on a dit. Il entend les supplications. Il entend les demandes de ses serviteurs. Et donc, il y répond. Subhanahu wa ta'ala, lorsque son serviteur lui demande et l'invoque. Et Allah, il est basir. Allah aussi, il est clairvoyant. Et regardez. Le nom clairvoyant, le fait qu'Allah, Jalla wa'ala, voit tout. Il nous sert vraiment à reconnaître une chose importante. Regardez. Regardez ce qu'il va dire. C'est très important. Regardez cette faïda, cet enseignement. Il nous dit le fait de savoir qu'Allah Jalla Wala est le clairvoyant et celui qui voit tout, subhanahu wa ta'ala. On comprend de cela qu'Allah Jalla Wala voit notre situation. Vous avez vu, lorsque dans nos invocations, on invoque Allah, on lui fait part de notre situation, et bien sachez, aussi bien Allah entend cela, comme Allah voit cela. Allah voit notre situation. Allah connaît notre situation, subhanahu wa ta'ala. Vous avez vu, ça nous mène. Vous avez vu, ce n'est pas en vain d'étudier cela. Ça nous mène à savoir. Et donc, en quelque sorte, ça rassure le croyant lorsqu'il invoque son Seigneur. Son Seigneur, aussi bien, il est audient et il est clairvoyant. Donc, Allah, il entend nos demandes et Allah, il voit notre situation. Ça veut dire cette situation dans laquelle, cette situation dont on lui fait part, Allah, subhanahu wa ta'ala, il la voit et il la connaît. Enfin, c'est pour cela que le shir dit, basiran bi hali yusilu ilayhi ma talaba bi qudrati. Et donc après, Allah subhanahu wa ta'ala, il répond à notre demande et il peut nous faire parvenir. Allah jalla wa'ala, il peut nous toucher parce qu'on lui a demandé. Et ça fait partie de son pouvoir et de sa puissance. Wa illa takun da'watu dalal mansuda. C'est pour ça que celui qui va invoquer un Seigneur qui n'entend pas, qui n'est pas clairvoyant, alors cette invocation, elle est en vain. Il n'y a pas de but. S'il invoque un Seigneur qui n'entend pas, un Seigneur qui ne voit pas la situation dans laquelle sont ses serviteurs. Alors, c'est pour ça qu'il dit que cette invocation et cette demande est en vain. Fafid doa, i, regardez ce qu'il va dire. C'est pour cela que on sait que notre Seigneur, il est audient et clairvoyant. Et donc, pour cela, il dit, Fafid doa, i. Donc, dans l'invocation et dans la réponse d'Allah, lorsqu'Allah répond à son Seigneur, il y a une preuve, regardez ce qu'il dit, burhanun, il y a un argument et une preuve claire et évidente. Qu'Allah Jalla wa Ala huwa Sami'un Basir. Qu'Allah est aussi bien audient, clairvoyant, Qadirun Hayyun Alim. Regardez ce qu'il dit. Capable, vivant et omniscient. Moi, je vous traduis hein, les noms qu'a cités l'auteur du commentaire d'une manière très rapprochée. Et donc, c'est une traduction qui est vraiment rapprochée, approximative et relative. Lorsqu'il dit Fi Burhanun Annahu Sami'un. سميع بصير قادر حي عليم وقال الله تعالى في من يدعو من لا يسمع ولا يبصر. C'est pour ça que dans un verset, regardez dans Sourate Al-Ahqaf, le verset 5, Allah va nous parler de ceux qui sont les plus égarés. Et Allah va dire, mais qui est le plus égaré? Parmi ceux qui sont les plus égarés, parmi les créatures, parmi les hommes, parmi les humains. Mais qui sont les gens qui sont le plus égarés? Regardez, Allah va dire, ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. Allah va dire, mais quel est le plus égaré que celui qui invoque un autre qu'Allah, qui peut ni lui répondre, qui ne pourra pas lui répondre, et cela jusque يوم القيامة, jusqu'au jour de la résurrection. Regardez Allah Jalla, traduction relative du sens du verset. Dans une traduction plus précise, Allah Jalla wa'ala dit, en traduction relative, y a-t-il un être plus égaré que ceux qui invoquent en dehors d'Allah des divinités qui n'exauceront jamais leurs demandes jusqu'au jour de la résurrection? Regardez, Allah Jalla wa'ala dit, y a-t-il un être plus égaré que ceux qui invoquent en dehors d'Allah des divinités qui n'exauceront jamais leurs demandes jusqu'au jour de la résurrection? Et c'est pour cela qu'ensuite, Cheikh Al-Azmine va faire allusion au verset, lorsqu'Allah parle de Ibrahim, alayhi salam, lorsque Ibrahim disait à son père, hein, Ya Abati, ô mon père, est-ce que tu adores celui qui n'entend pas? Parce que vous avez, à l'époque d'Ibrahim, parmi les divinités que son peuple avait, les statues. Donc ils adoraient des statues, comme l'histoire est célèbre. Et donc, le fait qu'ils adoraient des statues, et lui, Ibrahim, a été aussi éprouvé du fait que son père était un façonneur de statues. Donc Ibrahim, Il appelait son père au droit chemin, il appelait son père à la vérité pour le faire revenir à l'adoration d'Allah seul et unique. Donc Ibrahim, parmi les arguments qu'il donnait à son père, il lui disait, Ya Abati, oh mon père, pourquoi est-ce que tu adores celui qui n'entend pas? Tu adores des statues qui n'entendent pas. Et de là, on comprend qu'elles ne peuvent ni nuire, ni accorder profit. Donc comment on peut considérer une statue comme une divinité? Comment on pourrait considérer ça alors qu'elles ne peuvent pas entendre? Et là, on comprend bien que pourquoi? Parce que celui qu'il faut invoquer, c'est celui qui entend et c'est celui qui voit notre situation. Lorsqu'on invoque Allah Jalla, on sait qu'Allah entend nos supplications et on sait qu'Allah Subhanahu, il voit notre détresse et notre situation. Et c'est pour ça que ce chapitre est très pertinent, que l'imam Bukhari, c'est pas en vain qu'il est mentionné. Vous avez juste à prendre le verset. Le verset qui a été utilisé par l'imam Bukhari en guise d'intitulé, Wa kana Allahu Sami'an Basira. Juste ce verset-là. Si vous apprenez juste ce verset-là, un verset qui est très court. Donc vous avez juste à l'apprendre, à le mémoriser. Pourquoi ce verset? Parce que ce verset qui est très court, Wa kana Allahu Sami'an Basira. Si vous l'avez toujours à l'esprit, vous avez vu, le verset est très simple à apprendre. Si vous l'avez toujours à l'esprit, et bien dans n'importe quelle situation vous allez vous trouver, lorsqu'une personne est dans l'adversité, lorsqu'une personne est dans la détresse, lorsqu'une personne il est vraiment dans un problème, dans une situation difficile, alors qu'il se rappelle ce verset, Wa kana Allahu Sami'an Basira. Qu'il sache qu'Allah Jalla wa'ala est l'audient, le clairvoyant, qu'Allah entend tout. Alors il peut l'invoquer, Allah il va entendre ses supplications, Allah il va entendre ses invocations, Allah il va entendre toutes ses requêtes et ses demandes. Et qu'Allah Jalla wa'ala, El Basir, Allah il voit sa situation dans laquelle il est, cette difficulté qu'il est en train de vivre, cette détresse-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il la voit. Et de ce fait, le fait de se remémorer ce verset, ça va rassurer le croyant de savoir que son Seigneur est audient et clairvoyant. Tandis qu'à l'époque, les polythéistes, que ce soit à l'époque d'Ibrahim alayhissalam, ou autre à l'époque du prophète sallam, ou à notre époque par exemple, ou dans d'autres époques, les polythéistes adoraient par exemple des divinités, des fausses divinités, qui ni elles n'entendent les supplications et les invocations de ceux qui les invoquent, et ni peuvent y répondre. Et ni peuvent y répondre. Et c'est pour ça, ni peuvent accorder profit, ni peuvent faire du tort, parce que ces fausses divinités ne peuvent en réalité n'ont le pouvoir sur rien, n'ont aucun pouvoir. C'est pour ça que Ibrahim alayhi salam, il essayait de raisonner son peuple, en l'occurrence son père, en lui disant, mais comment peux-tu adorer une divinité qui n'entend pas? Donc on voit bien que une divinité qui n'entend pas, c'est une imperfection. Cela est une imperfection, c'est quelque chose d'imparfait. Et donc, en aucun cas, on peut attribuer cela à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et de ce fait, regardez l'histoire lorsque Ibrahim, alayhissalam, il avait cassé des divinités, lorsque son peuple est revenu. Alors, regardez, pour qu'il s'interroge, il a dit, mais comment elle n'a pas pu se défendre? Comment vous adorez celle qui n'a pas pu se défendre? Comment on va adorer une divinité, vous implorez des divinités, vous leur faites part de votre demande, de vos invocations, de vos supplications, alors qu'elles-mêmes ne peuvent pas se défendre. Elles-mêmes ne peuvent ni nuire, ni accorder profit. Et donc, pour terminer maintenant l'explication de ce hadith, là, l'auteur du commentaire, Cheikh Al-Uthaymeen, va mentionner vraiment quelque chose de pertinent. Pour résumer, il va mentionner vraiment, il va faire une citation d'une parole d'un savant, Ibn Aqil. Donc, wa qad qala Ibn Aqil, en disant, wa qad nadaba Allahu ta'ala ila du'a wa fi dhalika ma'ani, ahaduha al-wujud, fa inna man laysa bi-mawjud la yud'a, wa thani al-ghina, fa inna al-faqir la yud'a, wa thalith as-sam'a, fa inna al-asam la yud'a, والرابع الكرم فإن البخيل لا يدعى والخامس الرحمة فإن القاسي لا يدعى والسادس القدرة فإن العاجز لا يدعى. Et là, c'est très pertinent. Donc, il fait allusion à cette parole d'Ibn Aqil en disant qu'Allah Jalla wa'ala a encouragé à l'invoquer. Donc, il encourage, hein, Allah Jalla wa'ala encourage ses serviteurs à lui demander à l'invoquer. À l'invoquer. Et en cela, il y a des sens. Il y a des sens à comprendre. Et il va évoquer six choses. Il va évoquer six choses. Donc regardez, c'est très important. Il dit premièrement, Ahadoua, première chose, el-wujud, l'existence. Cela prouve l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, premièrement. Pourquoi? Fa'inna man laysa bimawjud la yud'a. Pourquoi? Parce que celui qui n'est pas existant, alors on l'invoque pas. Il n'est pas invoqué, il ne peut pas être invoqué. Celui qui est inexistant ne peut pas être invoqué. Première chose. Athani, donc vous avez vu, Allah encourage, ce qu'il faut comprendre, à l'invocation. Et dans cet encouragement à l'invocation, Ibn Aqil dit qu'il y a des sens. Il y a des sens à cela. Premier sens, al-wujud, l'existence, comme on l'a dit précédemment. Deuxième chose, athani, al-ghina, la richesse. Qu'Allah est celui qui possède tout, il est le détenteur de tout, Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que le pauvre ne peut pas être invoqué. On ne peut pas demander au pauvre, à celui qui ne possède pas. Donc c'est pour cela, parmi les sens de cela, al-ghina, la richesse absolue. Al-thalith, troisièmement, al-sama. Al-sama. Fa'in al-asam la yud'a. L'écoute, l'audience que le Seigneur entend. Subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que celui qui est sourd ne peut pas être invoqué. Quatrièmement, al-rabi' al-karam. Al-karam. Donc l'invocation, parmi ses sens, sous-entend cela. Al-karam, la générosité. La générosité de celui qu'on invoque, de notre Seigneur. Pourquoi? Fa'inna al-bakhila la yud'a. Pourquoi? Parce que l'avare, on l'invoque pas, on lui demande pas à l'avare. L'avare ne donne pas. Cela indique alors, lorsqu'Allah nous encourage à l'invocation, ça sous-entend qu'Allah donne et Allah est le généreux. Et c'est pour ça qu'Allah, parmi ses noms sublimes, Al-Karim, Allah il est Al-Karim, le généreux, Subhanahu wa ta'ala. Wal-Khamis, cinquièmement, Rahma, la miséricorde. Fa'inna al-Qasi la yud'a. Pourquoi? Parce que celui qui est dur, on l'invoque pas, on lui demande pas. Le dur, hein, celui qui a cette sévérité, cette dureté, celui qui ne fait pas miséricorde, celui qui n'est pas clément, on l'invoque pas. Donc on comprend bien que lorsqu'Allah Jalla nous encourage à l'invoquer, cela prouve qu'Allah est le miséricordieux. Celui qui est clément, celui qui fait miséricorde à ses serviteurs. Pour cela, Allah Jalla nous encourage à lui demander le pardon. Sadis, sixièmement, parmi les sens hein, qu'on peut comprendre lorsqu'Allah encourage le serviteur à l'invoquer, dans ce qu'a mentionné Ibn Aqil, et dont on fait mention, Cheikh Ibn Athaymine ici, sadisan, sixièmement, al-Qudra, la puissance, la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'inna al-ajiz la yud'a. Pourquoi? Parce que celui qui n'a pas la capacité, celui qui est incapable, ne peut pas réaliser la demande, ne peut pas être invoqué alors. C'est pour cela que invoquer Allah, Jalla, ça sous-entend Al-Qudra, ça sous-entend sa puissance, ça sous-entend son pouvoir, sa capacité, son pouvoir. Pourquoi? Parce que celui qui n'a pas de pouvoir, celui qui est incapable, il ne peut pas. Ce qu'on appelle Al-Ajiz. Al-Ajiz, la yud'a, il n'est pas invoqué. Donc on a mentionné parmi ces six. Je vous les répète très brièvement. Al-Wujud, Al-Ghina, Wal-Sam'a, Wal-Karam, Wal-Rahma, Wal-Qudra, Wal-Qudra. Ensuite, Cheikh Al-Athaymin, auteur du commentaire, il va terminer, il va conclure l'explication de ce hadith, ou même du chapitre, hein, du chapitre, puisque le hadith, ça y est, il a fini de l'expliquer. Donc, on a fini avec l'explication du hadith. Il va mentionner à la fin, en conclusion à ce chapitre, une très belle faïda, un bon enseignement profitable pour comprendre vraiment le terme sema. Le terme sema, qui est en français, on traduit très relativement par l'audience. Alors, lorsqu'il est mentionné, par exemple, dans le Coran, ou dans des textes, par exemple, dans des hadiths, alors ça peut sous-entendre l'un des quatre sens. Il va mentionner quatre sens à ce terme. Quatre sens à ce terme. Et ça, c'est important pour bien comprendre les textes lorsque le terme sema est mentionné. Donc parfois, sema, il peut venir dans le sens de el-idrak, ou muta'allaqu el-aswat. El-idrak, donc, c'est le fait d'entendre les sons. Le fait d'entendre idrak, les sons, les voix, c'est-à-dire c'est l'audience. Le fait d'entendre. Le fait d'entendre. Comme le sens est apparent, il est clair, c'est ce qui nous vient à l'esprit lorsqu'on entend le terme sema, audience. Par contre, il y a un deuxième sens, athani, parfois dans des textes, vous allez voir dans le Coran, le terme audience, écouter si vous voulez, est mentionné, mais il sous-entend la compréhension et la raison. Sam on fahm wa aql. Sam fahm wa aql. C'est une écoute, une audience qui sous-entend, qui dénote la compréhension et la bonne raison. La compréhension et la raison, si vous voulez. Troisième sens, parfois, on a le terme Semr dans le Coran, par exemple, ou dans des hadiths. Et le terme Semr, ici, il va vouloir dire la réponse, la donation, comme on l'a dit, et l'exaucement. L'exaucement. Semr, ijaba, wa yata, masu'il. Il viendrait dans le sens que la donation, l'exaucement de ce qu'il y a été, de ce qui a été demandé, de ce qui a été demandé. Et le quatrième sens qu'on peut retrouver dans les textes, c'est Sam Rabia, Sam Kaboul, Wenkiyad. Sam Kaboul, Wenkiyad. C'est l'écoute dans le sens de l'acceptation et de se soumettre. L'acceptation et se soumettre. Alors maintenant, Shir va terminer en donnant des exemples. En donnant des exemples. Alors le premier exemple qu'il a donné, le premier sens plutôt qu'il a donné, l'écoute liée au fait d'entendre les sons et les voix, c'est-à-dire l'écoute, le fait d'entendre. Comme le verset qu'on a mentionné dans Sourate Al-Mujadala au début du chapitre, Samir Allah, dans le verset lorsqu'Allah dit, Qad Samir Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Par exemple, dans ce verset, ou l'autre verset lorsqu'on avait mentionné, Laqad Samir Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Wa nahnu aghniya. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. Dans ce verset-là. Donc ces versets-là, on voit bien que Sam'a ici, c'est dans le sens de écouter. Lorsqu'Allah dit, certes, Allah a bien entendu les propos de cette femme lorsqu'elle a parlé au prophète sallam, au sujet de son mari. Thani, le deuxième sens, lorsqu'il est dit, c'est dans le sens de la compréhension ou à l'aql, lorsque dans le verset, Allah dit, La taqulu Ra'ina, wa qul unzurna wa sma'u. As-sama' ici, fahm wa aql. Donc, wa la taqulu ra'ina wa qul unzurna wa sma'u. Wa sma'u, fi hadhihi al-aya, bima'na as-sama', fahm wa aql. Fahm wa aql. Lorsqu'Allah, dans le verset, il dit, ne dites pas ra'ina, mais dites plutôt unzurna wa sma'u, et écoutez. Isma'u, écoutez, c'est-à-dire comprenez et faites preuve de raison. Le troisième sens de Semr qu'on a dit, lorsqu'on a dit qu'il vient dans le sens de la réponse, l'exaucement, comme dans le hadith qu'on avait dit, lorsque dans la prière on dit Samir Allahu liman hamida, donc Samir Allah, Allah a entendu celui qui lui a fait les louanges, qui l'a loué. Et donc là, on avait dit que c'était dans le sens de Allah lui répond. Allah lui répond. Donc c'est dans le sens de El-Ijaba, la réponse. Et quatrième sens, ce qu'on a dit, hein, là, l'écoute. Et la soumission, comme dans le verset Sammaouna lil kadhib. Sammaouna lil kadhib. Dans le verset 41 de Sourate Al-Ma'ida, lorsqu'Allah dit, ceux qui écoutent le mensonge, ceux qui tendent l'oreille au mensonge. Sammaouna. Sammaouna au pluriel, c'est ceux vraiment qui écoutent, hein, qui entendent le mensonge, prêtent l'oreille au mensonge, si vous voulez. Là, c'est dans le sens que, Ay, qabilouna lahu wa munqadoun. C'est-à-dire qu'ils acceptent ce mensonge et ils se soumettent à ce mensonge. Ils se soumettent à ce mensonge. Fassam al-idrak binafsi. Donc voilà les, en quelques termes, voilà les quatre sens que mentionne Cheikh Ibn Uthaymeen, l'auteur du commentaire, concernant l'audience. Et pour terminer le chapitre, l'imam al-Bukhari a cité un dernier hadith. A cité un dernier hadith. قال l'imam al-Bukhari رحمه الله تعالى قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها حدثته قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام ناداني قال إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك وما ردوا عليك. Donc on a un dernier récit que l'imam al-Bukhari nous mentionne avec sa chaîne de transmission remontant jusqu'à Aïcha radiallahu ta'ala anha lorsqu'elle dit ma haddathathu lorsque Urwa dit que Aïcha lui a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit inna Jibril alayhi salam nadani. Certes, Jibril m'a appelé. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans ce récit que Jibril l'a appelé en lui disant Inna Allah qad sami'a qawla qawmik wa ma raddu 'alayk. Certes, Allah a entendu la parole de ton peuple et ce qu'ils t'ont répondu. et ce qu'ils t'ont répondu. Traduction relative du sens de ce hadith. Et donc, Cheikh Ibn Uthaymeen ne va pas vraiment s'étendre sur l'explication du hadith. Pourquoi? Parce que le sens, il est clair. Al-Shahid, l'élément illustrant dans ce récit, lorsque le prophète dit que Jibril l'a appelé en lui disant « Qad sami'a qawla qawmik »« Inna Allah qad sami'a qawla ou qawla qawmika wa ma raddu alik » C'est ça l'élément illustrant du récit. Certes, ton Seigneur a entendu la parole de ton peuple. Est-ce qu'ils t'ont répondu? Leur réponse, en quelque sorte. Fadalla dhalika ala bikulli ma yusma. Et donc, ça prouve qu'Allah Jalla wa Ala entend tout, subhanahu wa ta'ala, et rien ne lui échappe, subhanahu wa ta'ala. Et de ce fait, conclut l'imam al-Bukhari, ce chapitre, avec l'évocation de ce hadith, et de cette manière a conclu l'auteur du commentaire, Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymeen, rahimahullahu ta'ala, qu'Allah leur accorde la miséricorde, et on va se quitter sur cela. Donc là, on a fini le chapitre. Je pensais qu'on aurait eu le temps de commencer le chapitre prochain. Donc dans le chapitre prochain, l'imam al-Bukhari va faire allusion au verset 65 de la sourate al-An'am, de la sourate les bestiaux. Qul huwa al-Qadir. Dit, c'est certes lui le puissant. Celui qui a le pouvoir. Donc, il va citer en guise d'intitulé à ce chapitre le verset 65 de Sourate Al-An'am. Ensuite, il va mentionner le hadith concernant la prière de consultation. La prière de consultation. Donc, je pensais qu'on avait le temps de commencer ce chapitre, mais on remettra ce chapitre à la prochaine allocution, si Allah nous le permet. On n'actafi bihad al-qadr, wa nas'Allah jalla wa ala an yaghfira lana dhunubana. جميعا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك